amoureux ne blessent pas comme le font les amants furtifs. Leurs sourires sont des éclairs qui révèlent fissures et gouffres, et ils ne prêtent attention qu'à l'être aimé et à ceux qui flattent leurs efforts. Ils ne tentent pas les divinités, ignorant leurs gémissements, car on ne donne jamais pour recevoir, pas même de la même source. Tu donnes à l'un, c'est un à une autre à tel et ce tel à toi. Et ainsi se déroulent les amours de ta vie, chevaux de bois, sur le manège de tes soirées, tournant sans espoir de foin. Attention qu'à l'être aimé et à ceux qui flattent leurs efforts. Ils ne tentent pas les divinités, ignorant leurs gémissements, car on ne donne jamais pour recevoir, pas même de la même source. Tu donnes à l'un, c'est un à une autre à tel et ce tel à toi. Et ainsi se déroulent les amours de ta vie, chevaux de bois, sur le manège de tes soirées, tournant sans espoir.